enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ok. Oui, vas-y. Everybody say hi! Brad Scott! Hey! Brad Scott! Hey! Brad Scott! Hey! Brad Scott! Hey! Yo! Un. Il est en forme, il est en forme. Oh, voilà, c'est sa basse. Mais en haute altitude. Lui, il a la basse très haute. Ok, je m'arrête. Laissons place à la chanson. Errance Rénadienne. 5 février. Bonne soirée de délire en ma compagnie. Jusqu'à... Oui, jusqu'à 2h du matin. T'es en colère, moi non plus. Toi, tu es au soleil, tu es bien heureux. Moi, je suis pâle et tout fiévreux. Je veux s'y faire et j'attaque. Attention, John, j'allume le contact. Tu n'as plus rien qui brille dans les yeux. Mais t'as les mains molles et ça me rend nerveux. Non, John, je ne te tire pas mon chapeau. Je te tirerai plutôt une balle dans la peau. J'ai John, John, John, tu es la reine des pommes. Et j'ai John, John, John, je suis la reine des pommes. Yeah. reine des pommes. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. John, John, John, tu es la reine des pommes. Ouais, ouais, tu es la reine. Et j'ai le John, John, John, tu es la reine des pommes. Et j'ai le John, John, John. Ouais, tu es la John, John. Qui ce soir est la reine des pommes? Gaétane. Gaétane préfère la poire, elle. Mais je lui ai demandé avant si dans le monde des fruits, parce que c'est un grand monde, c'est comme les légumes, c'est comme la viande, c'est comme le poisson. Moi, je ne suis pas un gars de poisson, moi. Je peux vous dire pourquoi. Je suis allergique à quelques crustacés. Est-ce qu'une crevette est un crustacé, madame? D'après vous? Crevette, crustacé, ouais, ça, hein? C'est un crustacé, là. Allô? Oui? La cartouche et la cartouchière. Oui. Non, ça, écoutez bien, on dirait un cheval comme Jacques. Lui, il aimait bien lorsqu'il était cheval, attention. La cartouche et la cartouchière. Bon. J'avais loupé le truc, mais j'ai rattrapé en faisant... Pff, je suis quand même... Hein? Limitation égale limitation. Je l'ai dit, je le dis encore, je répète. Et hey, depuis quel temps? Depuis, non, c'est pas depuis quelque temps. Depuis quelque temps. Ça, c'est du Michel Tremblay, ça. Là. Depuis quelque temps. Depuis quelque temps, tu verras le temps passer vite. Encore il y a une joie que tu es si petite. Et ta belle bouche et tes bandes fumantes, madame. Et tu rêves aussi. Hier, encore hier, tu étais si fière. Ça, c'est une interprétation de Serge Serge Rébédiamini. L'Arménien, non, c'est pas lui, c'est Charles Asbano. Lui, c'est un Arménien. C'est, non, mais la vie, là, c'est aussi complexe que ça. Dalida, elle est morte, oui, c'est vrai. Bon. Saviez-vous, puis ça, je raconte ça à des gens qui n'ont jamais parcouru la Terre, moi non plus, là, j'ai pas, à part quelques endroits, puis là, je me suis rendu compte encore maintenant, excusez-moi, je dis encore souvent, là, que j'ai oublié de visser ce qui me sert de... Donc, on doit passer une petite chanson, puis après ça, ben, je vous reviens. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'inspiration. C'est parce que, comme disait M. Superglu, Supercolle, M. Supercolle, on va te poser une colle, M. Supercolle. Comment ça, quand je regarde le tube, là, c'est indiqué 24 bits. Non, ça, c'est l'ordinateur. 64 bits. 24 heures. J'applique ça, moi, là comme un connaisseur de cause, parce que je l'ai lu, comme j'ai compris, là, 24 heures. Fait que j'en mets... Ça, c'est quand j'applique. Anglicisme, hein, appliquer pour un emploi, ça se dit pas, là. Mais moi, j'applique sur la... Hein, la... Voilà. On se comprend trop, là. Ça fait mal, hein? Moi, je sais pas, là, les tympans me cillent. Et les cils me tympansent comme un chimpanzé. Ah, c'est une autre histoire, ça aussi. Fait que 24 heures, tu te dis, m'en mettre, Michel Tremblay, m'en mettre. Là, t'en mets, là. Puis un peu comme lorsque madame, mademoiselle place son soutien-gorge. Ça va tenir. Ça va tenir pendant jusqu'au moment où je vais l'enlever, là. Mais non, c'est pas vrai, là. 24 heures, c'est faux. Fausse publicité. Il faudrait donc que j'appelle la marque de colle à prothèse dentaire que j'utilise pour leur dire « C'est pas 24 heures. C'est pas 24 heures. Ben non. En plus, attends, c'est bien ce que je veux dire. Là. Je monte le son. En même temps, vous savez, il y a de, encore aujourd'hui, sans doute, il y a les AA qui parlent de 24 heures, un jour à la fois. Là, ça me donne le goût de chanter « Un jour à la fois ». Mais comme je veux placer le truc avant que ça tombe dans mon verre d'eau. Non, mais c'est là que ça va le soir, dans un verre d'eau, hein, avec une pastille. Pastille. Comment qu'elle s'appelle? Pastille Galant. Ah, quelle belle chanteuse. Elle aussi, elle a... Bon, en tout cas, ça, c'est une... on y va avec ça, puis... Je vous reviens, là, dans 2 minutes 34 secondes. Ça sera pas long, je vous dis. Allez vous chercher un verre d'eau, ça va passer de même. Elle était tellement froide qu'on pouvait l'acheter à l'entracte. Ses mains étaient si froides. On l'appelait Goldfinger. Agla-gla, Aglaé, c'était vraiment un glaçon manqué. Agla-gla, Aglaé, c'était vraiment un glaçon manqué. Elle était italienne, c'était l'étrange napolitaine. Avait tout pour polaire, dormait dans un igloo. Elle a bu son verre comme les autres. Agla-gla, Aglaé, t'es vraiment un glaçon manqué. Aglagla, Aglaé, t'es vraiment un glaçon manqué. Geoffroy, Aglagla, sa mère s'appelait Angèle. Elle était bien élevée, Aglaé, ce sont des choses qui se perdent. Aglagla, Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Aglagla, Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Aglagla, Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Aglagla, Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Non, mais on n'a pas changé d'univers, hein? On était dans la même stratosphère, dans la même planète, dans la même bulle. C'était là, c'est moi. Je pourrais faire ça, moi. Là. Ça serait simple dans ma main. J'ai des citations. Des citations parce que les Rambins, ça se fait citer des trucs. Jacques Dutronc, mon ami Jacques, celui qui dit « Tout est mini dans votre vie ». C'est pas celle-là, celle-là. Il disait, l'alcool, il y a deux versions. Soit c'est un ennemi qui te veut du bien, mais qui te fait du mal. Soit c'est un ami qui te veut du mal, mais qui te fait du bien. Mais j'ai senti comme il y a eu, oui, je sais, il y a eu une arrestation buccale. Mais c'est, oui, oui. La cartouchette. Oui, merci la cartouchette. Mais touchette Rimbaud, l'avez-vous... Non, mais c'est qu'à un moment donné, cette femme-là voulait faire la carrière d'Arthur. Mais elle n'avait pas le talent. C'est bien beau vouloir, là, mais quand tu peux pas, là. C'est facile. C'est pas con, hein? C'est con, mais c'est ça. Donc, la pauvre s'est acheté un crayon. Mais un beau crayon, là. Un crayon quatre couleurs. Tu sais, les grosses affaires là, qu'on se place entre les doigts, on essaie de bien écrire avec ça sans tirer la langue. Là. J'écris mal à l'origine, imaginez-vous. En tout cas, bonne fête! Hein, c'est fini de même, bonne fête. Là, tu veux bien écrire, puis... Tu crois que c'est le stylo qui amène la création? Fausse route. Fâcheuse. Quand tu roules à un moment donné là, sur du gravier, ça nous fait comme un peu. Ça nous titille. Hein? On ne sait pas où on s'en va, puis on y va quand même, puis on tremblote. Ben, l'écrivain, c'est ça. Là, c'est devant une feuille blanche, puis où on va se diriger, va-t-on se découvrir nous-mêmes? C'est ça la peur, puis c'est ça l'intérêt, puis c'est ça le grand plaisir. Allons-nous nous rencontrer à travers les mots? Hey! La danseuse qui se dit « Mon corps me surprendra-t-il? » La comédienne, mes émotions arriveront-ils à émouvoir le public? Là, je me demande est-ce que c'est un ou une émotion? Une émotion. Une émotion. Et c'est ça! On est dans le sable mouvant. Et à travers toute cette mouvance, il y a l'émotion. Donc, plus c'est peu solide, on peut s'enfoncer, et en même temps faire participer le public dans cet engouffrement, dans ce passage obligé qui s'appelle la création. Hey, c'est bon ça, monsieur. Allez-y, vous. Oui. Oui. La cartouche et la cartouchière. Oui, la cartouche, on va la raconter. Tu veux qu'on raconte cette histoire-là? Même j'ai... Oui. Mercredi matin, deux enfants, une table, un Reynald, une mère couchée. La mère de ces deux enfants-là, qui ne sont pas les miens. Petit déjeuner, céréales, moi c'est Reynald, c'est la première fois qu'on se rencontre. Puis je parle des enfants toujours. Et je regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire. Ben, vous déjeunez, j'ai aucun problème. Donc, faut pas non plus amener l'enfant dans des sentiers qu'il ne connaît pas. Classique. Ouf. Je me sens très bien là-dedans. Jus d'orange pour les enfants. Moi, verre d'eau avec plusieurs glaces à l'intérieur. Et céréales, je veux dire, Reynald, oui, mais qui sert des céréales aux enfants. Bon, vous avez compris. Avec de l'eau, du lait. De l'eau, mais moi, j'ai jamais mangé ça de céréales, moi. Comment ça se mange pour, doit-on humidifier la chose? C'est intéressant. Doit-on humidifier la chose? À l'époque où j'en mangeais des céréales, là, il y a peut-être 40 ans, là, j'avais deux méthodes, dans le lait ou dans la boîte. Dans la boîte, là, c'est le soir, là, au lieu de manger des croustilles, tu prends ta boîte de céréales, puis hop, hop, hop, à chaque fois que tu plonges ta main, je le sais. Non, il faut que tu te il faut se convaincre soi-même. Hein. Je reviens sur le gag, là, mais je sais que je plonge ma main dans les céréales, mais moi, c'est Reynald. Céréales. En tout cas, c'est une histoire très complexe. Et donc, je me suis replongé à l'époque où je mangeais ce genre de mets. Non, c'est pas un mets, c'est ce genre de maïs sucré, très sucré, puis maïs, si peu de maïs. Je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui maïssent que le maïs. Bon, c'est pas important ça non plus. Donc, je sers aux enfants Goffy, 5 et 8 ans, céréales. C'est Reynald qui sert les céréales, oui, avec du lait. Et moi, pendant ce temps-là, je me prépare vous savez, vous me connaissez, je déjeune avec un. Ça écoute pas. Vous êtes nouvellement membre de CKRL 89.1. Vous écoutez jamais Errance Renadienne. Vous êtes tombé là-dessus en croyant que c'était de la musique non-stop. Musique rétro, tu sais, la musique brûlée, là. Quand t'entends une telle genre, pas encore celle-là. Voyons donc, on la connaît. Ah, c'est le fun, hein? Ça nous remémore le passé. Ben oui, passé, là. Va-t'en dans le futur, va-t'en voir ailleurs, va-t'en défricher, arrête de... Il reste plus rien en arrière, là. La terre est aride. La terre est asséchée. Il n'y en a plus de graisse, il n'y en a plus de merde, il n'y en a plus d'engrais. L'engrais est en avant, pas en arrière. Non, mais à un moment donné, là, un gars veut faire allumer le peuple, tu sais, puis c'est bon, la bonne musique. Hein. Vous écoutez la radio rétro, celle qui vous donne, qui vous offre des souvenirs. Et voilà! Alain Souchon avec Double Sentimental. Non, mais celle-là n'est pas si brûlée que ça. Mais il y en a plusieurs là, qui m'énervent. Donc, céréales, présentation, le lait. Hein. Moi, je mange le matin du pablum. Quoique, hey, c'est pas une régression. Ça serait bon une bonne régression au pablum, là. Tu sais, puis là, ta blonde arrive, là, puis dit attention, le petit camion. Attends, ouvre la bouche, le camion va rentrer. Hey, ça serait intéressant. La couche, tout ça, là. Hey, non, mais c'était des beaux samedis soirs que je pourrais passer. Demain. Oh, je me donne du plaisir là, actuellement, là, parce que je me dis, ah, pff, l'hamster tourne pff, comme un boulier de bingo. Là. Je me dis, hey! Tu sais, on se fréquente depuis 6 mois, puis je commence déjà à la connaître. Puis moi, le genre humain, là, je dis bonjour, je peux déjà savoir ce que cette personne-là a fait dans sa vie, si elle est honnête, crapuleuse, si c'est si on ne doit pas s'en occuper. Puis ben, là, je ne sais pas, 6 mois, là, c'est avec quand tu défriches tellement le genre humain, tu le connais par cœur comme si tu l'avais défait, comme le chantait Serge Gainsbourg. Non. Ce que Gainsbourg a écrit pour Julien Clerc, je te connais comme si je t'avais défait. C'est important, ça aussi. Là. Fait que là, les enfants, bon, ils me trouvent tellement intéressant. Pas parce que je suis intéressant, c'est parce que je peux me placer facilement, en quelques secondes, dans un état enfantin, dans un état ludique. Ludique. C'est, la ludicité, là, c'est ce qui tue notre siècle. 2016, là, faudrait peut-être se programmer l'esprit et le cœur dans le créneau de l'enfance. Bon, non, mais c'est sérieux, hein? Oh! Mon enfance passa et je sens l'incohérence. Oui, c'est surtout l'errance rétardienne. Donc, je sers aux enfants, comme je disais, et je me prépare du spaghetti. Bon, les gens qui ne comprennent pas, vous êtes Saint-Tropez, ben oui, je suis aussi Saint-Tropez. C'est en France. Hein, les deux baiseuses de Saint-Tropez, mais ça rien. Douyou, Saint-Tropez. Là, j'ai perdu le fil. Oh non, il aurait pas fallu. Oh, elle fallus qu'elle le suce. Oh, papa, attends, qu'est-ce que vous voulez dire? Céréales, bon, serre les céréales. Et moi, pardon, oui, je mange du spaghetti. Spaghetti, donc, en français correct. Du spaghetti. Même en italien, du spaghetti. Mais al dente, croustillant, là. Faut que. Jean Fauck. Écoute bien ça. Faut que. Parce que Jean Fauck, faut que. C'est une blague. Et donc, faut que ce soit croustillant sous la dent. Quand tu croques, là. Croquer, donc, je viens de le dire. Lorsque tu fends la pâte, elle doit, vers la fin, insister à ne pas se casser. Donc, les enfants mangent leur, hein? Et moi, mon spaghetti. Puis là, toutes les questions du monde. Hey, comment ça tu manges ça à cette heure-là? Hey, tu manges pas comme nous autres? Pas de croissant, pas de rôti, pas de céréales. Pourquoi c'est du spaghetti? Ben, parce que j'ai toujours mangé ça. Ah, toujours mangé quand t'étais petit comme nous. Ben, je mangeais des céréales. Puis là, tu manges du spaghetti. Oui, peut-être que vous aussi. Ah, non, pas de spaghetti. Spaghetti, c'est le soir. Ben, OK, c'est pas l'après-midi. Ah, non, c'est... Maman fait ça le vendredi soir, le spaghetti. Le vendredi. Le jeudi, c'est quoi? Du pâté chinois. Oh. Le mercredi? C'est du poulet. Oh. Le mardi? C'est du steak haché. Et le lundi? Ben, le lundi, c'est le restant de toute la fin de semaine. Toute la restant. Oh! Donc, c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça. La première fois? Non, les autres fois aussi. Oh! Hey, ça, on appelle ça hein, de la variété. Comme la musique. Chanson française, c'est de la variété. Hey, quand tu te lances dans la chanson, t'angoisses pendant longtemps en disant « J'espère qu'ils me catalogueront pas. Hein, » Me catalogueront. Me catalogueront pas dans la section variété. Est-ce que je... I am, est-ce que c'est de la variété? Hugo Frey, est-ce que c'est de la variété? 16, pas 16, un 6, là. S-A-E-Z, est-ce que c'est de la variété? S-A-E-Z. Alors, je vous présente ce soir S-A-E-Z. Stromae. Est-ce que c'est de la variété? Mireille Mathieu. Est-ce que c'est de la merde? Oh! Il y a du spaghetti, moi j'en mangerai toujours. Monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante et un peu... bande à part, bande à part. Bienvenue. Ça n'existe plus, ça, bande à part. C'était super intéressant. C'était Radio-Canada. Ah, la radio de Radio-Canada. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien, si ça existe. Là, écrivez-moi à Rénal Québec, à commercial.com. Rénal, R-A-Y-N-A-L-D. Q-U-E-B-E-C à commercial hotmail.com. Mais... la cartouchière. Ah, faudrait. Oui, c'est vrai, je vais raconter l'histoire de la cartouchière. Mais c'est que lorsque je disais ça, là, il y a quelques années, mon filleul, qui était jeune adolescent, il me disait hey, on va t'écrire à Rénal Québec, R-A-Y. Là, il l'appelait comme je le faisais à la radio. Là. Ça veut dire qu'il m'écoutait. Il m'a écouté pendant 2 ans. Après ça, ben écoute, c'est comme le sucre à la crème, plus t'en manges, plus tu t'es. Hein? C'est ça. Puis tu as de la cassonade dans les oreilles, tu n'entends plus rien. Puis tu te lances dans le commercial. Puis tu dis, hey, c'est bon, hein? Je sais pas. C'est bon. Metallica. Ah, c'est... Moi, ce qui me plaît là-dedans, là, c'est que les tout le monde sont dans les AA ou pas loin. Là, dans les bébés, dans les CCBB. Les bébés, ils sont, oh mon Dieu. Mais dans, disons, dans les... entre les AA puis les DD. Moi, j'ai rencontré une DD, là. Oh! Quand j'ai décroché tout ça, là, pouh! Me suis fait mal aux genoux! Mais DD. Bon, alors donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est très simple. Très simple. Puis on voit, non. Là, les gens angoissent. On a mis une petite musique, là, tantôt. Mes amis. Ils savent pas que c'est mes amis. Pourquoi il y a un silence? Parce que je voulais vous dire que c'était Stella. Kiki Ramali Stella, les deux pieds dans le chocolat. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Il merde. La cartouche, la cartouchière. Oui, monsieur, merci. Nous en sommes fiers, très fiers. Donc, bienvenue à la douce rénalité. J'ai parti dans un sentier près du ruisseau et je me suis retrouvé dans un cul-de-sac. Souvent, c'est un cul-de-sac. Hein? Mais j'arrive à souvent, arrête de dire souvent, mais quelquefois à me reculer puis à reprendre l'autre route. Mais pour le moment, là, c'est le cul-de-sac. Alors ce soir, c'est l'émission cul-de-sac en ce beau 5 février 2016. Vous entendez Errance rénaldienne. Hilaire. A-t-il l'air d'errer? Allez-vous adhérer à son errance? Là est la question. Sherlock Holmes? Lâche ta loupe, Sherlock Holmes? Non, ça ne brûlera pas, là. Le soleil, oui, une feuille noire, quelquefois oui, mais là, non. Pourquoi? Ben, écoute, il est 00:35, là, le soleil est parti, puis il m'a dit de te le dire. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. Les petits-enfants ont mangé leurs céréales et on a discuté. C'était super intéressant. La mère s'est réveillée 2 heures plus tard dans un état tout à fait racoleur. Et voilà, la journée s'est bien passée. Nous vivons ensemble depuis ce temps. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est une tranche de vie. Non, c'est moi, c'est une tranche de bacon. J'haïs le bacon. Une tranche de bacon. J'haïs le jambon. Une tranche de jambon. Bacon, jambon. Là, c'est pour ça que je ne me tiens pas avec la majorité des bacon et du jambon. C'est pas moi. Moi, c'est caviar, champagne. Champagne pour tous. Hein? C'est lui qui paye, c'est pas moi. Là. C'est le crotté là-bas. Là. Le crottin? Bouf, non, moi, la moule et clown, je laisse ça au crotté. Oui, merci. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant, gagné. Le monsieur est fatigué. Non, le monsieur, il dit la chose, là, mais à un moment donné, il faut se poser. Comme l'abeille sur la fleur, même si... Est-ce que c'est le bourdon qui peut rien faire avec une fleur? Peut-être, je sais plus. Aujourd'hui, le vendredi 5 février 2016, l'errance rénaldienne vous propose, comme à son habitude, une dérapante route afin d'abandonner pour quelques minutes vos valises trop lourdes qui souvent vous ralentissent dans votre quotidien. Alors cette nuit, tentons d'oublier notre boulot, nos études, nos problèmes familiaux pour entrer dans l'univers de mon invité rencontré à Paris en 2015 et j'ai nommé Alissa Wenz, W-E-N-Z, Wenz. Alors, cette amie, qui était quand même présente à l'heure et tout à fait ravissante, est une chanteuse, entre autres une chanteuse, mais réalisatrice, et je vais vous lire sa courte bio, elle va nous l'expliquer dans quelques secondes. Là. Pour s'inspirer, elle puise principalement dans les petites choses du quotidien, un souvenir, une impression, une couleur, échirant. Comment? Échirant. Échirant. Non, c'est etc. Etc. La nostalgie, camarade. C'est pas du tout ça, c'est osa, etc. Osa, etc. Osa, etc. Alors, je recommence. Pour s'inspirer, elle puise principalement dans les petites choses du quotidien. Un souvenir, une impression, une couleur, etc. Osam, etc. Merci. Explique-t-elle. Osam, etc. Non, elle a expliqué que dans sa vie de créatrice, un souvenir, une impression, une couleur et... Osam, merci. Etc. A des lieux de se borner à une simple illustration des textes par la mélodie ou le rythme, Alissa voit la nécessité d'un véritable rapport de complémentarité entre le texte et sa musique. Une pratique de va-et-vient entre la composition et l'écriture, entre l'idée musicale et ce qui est narré, devient alors monnaie courante, une approche des plus singulières a priori. Malgré ce foisonnement d'activités, il n'en demeure pas moins que pour les gens qui l'écoutent, elle demeure et elle reste une interprète et une compositrice exceptionnelle. Lorsque nous allons l'entendre dans quelques minutes, elle vous racontera aussi son intérêt très, très, très prononcé pour le cinéma. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Nous nous arrêtons ici pour nous faire chatouiller les tympans par mon invité et la musique que je vous ai concoctée. Bonne soirée. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pourtant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et c'est pour nous éclater tous ces lilas blancs, et ces gros yeux rouges, et ces rires d'enfants, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment je ne sais pas, mais pourtant de beauté merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces bontés-là? Cueillons-les sans rien dire, va, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu, celle du malin, qui un jour s'unissant croisait nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment je ne sais pas, mais pour cet amour-là merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi merci et chapeau bas. T'es connu grâce à Internet, tu faisais, en fait tu fais de la chanson, oui. De la chanson à texte, oui. Et tu travailles beaucoup sur l'interprétation, tu te concentres sur les mots, mais aussi sur le fait d'amener ça au public, que t'es pas, t'es une chanteuse studio, oui, mais on voit davantage, on voit ton talent sur scène, tu te sens émancipée, t'es... qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Est-ce que tes parents jouaient de la musique ou... Mon père jouait du piano et venait d'une famille assez musicienne, mais plus musique classique. Donc c'est quand même beaucoup venu de ça, de mon père. J'ai appris le piano très tôt, 5 ans, 5-6 ouais. ans. Et puis j'ai pris des cours de chant assez jeune, enfin même très jeune aussi, adolescente, pendant plusieurs années. Mais plutôt avec une formation classique et de piano et de chant. Et puis... Donc qu'est-ce qui m'a amené à la chanson finalement? Bon, j'ai été très nourrie hein, pendant l'enfance et l'adolescence de plein de chanteurs à texte. Qui? Barbara, Gainsbourg, Brassens. Gainsbourg, Brassens, enfin toujours les grands noms, Anne Sylvestre beaucoup aussi. Oui, mes parents écoutaient ça. Après moi je m'intéressais aussi, voilà, il y a des chanteurs que j'ai voulu découvrir un peu. Mais Anne Sylvestre, est-ce que c'était diffusé régulièrement ou si c'est toi qui, comme étant, tu t'y intéressais? Du fait que tu étais une fille et qu'elle elle avait des messages féministes. Oui, oui. Oui, bah, les voix féminines, je l'ai rencontrée bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Elle m'a écoutée vendredi soir, j'ai chanté au Forum Léo Ferré, elle était là. Donc c'était vraiment très émouvant. Oui, c'est incroyable, elle est très. Oui. Est-ce qu'elle t'a enseigné parce qu'elle fait des fois quelques rencontres avec des chanteurs? Non, j'ai pas suivi de cours avec elle. Non. Et puis comment elle t'a perçue récemment? Eh bien, elle était voilà, c'était une soirée en fait organisée au Forum Léo Ferré à Ivry. Ah, oui, voilà. oui, j'ai rencontré il y a 2 personnes. Là. Ah oui, ouais. Donc voilà, c'était une soirée de clôture de saison en fait. Okay, donc oui. On était 5 artistes et c'était le paysage des jours, voilà. C'était de cette année. C'est ça, okay. C'était un peu un aperçu de ce qui s'était fait cette année et on était 5. Donc voilà, elle est venue à cette soirée-là et c'était, pour moi c'était émouvant quoi, d'être félicité et embrassé par Anne Sylvestre. Et comment ça s'est passé? Très bien, oui, très bien. Les gens étaient à l'écoute? Oui, ouais, c'est un public formidable, hein. C'est un très très beau lieu et avec un public qui est vraiment friand de ces chansons-là et de découvertes et curieux. Donc c'est toujours un grand bonheur et en plus de ça, un piano superbe, des conditions vraiment incroyables. Et de tes parents qui écoutaient Barbara, Brassens, Ferré, Brel, tu t'es alimenté de ça et aussi parce que tu jouais du piano, tu as voulu recréer ou... Ben, ça s'est venu en fait un peu tard dans ma... Enfin, le fait de chanter moi-même mes chansons, c'est venu un peu plus tard que tout ça. Donc j'avais cette formation-là classique, plus de musique. J'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Donc il y a eu à la fois la scène qui est arrivée comme ça... à l'adolescence, qui est devenu quelque chose d'important dans ma vie. Et puis après mon bac, j'ai fait des études littéraires assez poussées. Du coup, il y a eu voilà, l'amour des mots et de la langue française qui est venu se greffer à tout ça. Et finalement, la chanson est arrivée un petit peu à l'intersection de ces trois choses-là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était la musique, l'amour de la langue et l'amour de la scène. Et donc, c'est arrivé vers 20, 20-25 ans, j'ai commencé à écrire mes textes, à les chanter, puis là, ça fait 4-5 ans. Mais t'écrivais un journal intime, adolescent? Non, j'écrivais des textes, mais pas forcément des chansons. J'écrivais des nouvelles, des choses. Tes états d'âme aussi. Ouais, voilà, j'écrivais des textes beaucoup. Mais sans savoir que t'allais... Voilà, ouais, sans forcément... Et puis j'ai écrit des premières chansons, mais que j'ai pas forcément chanté en public. Que je gardais, que j'écrivais un peu pour moi. Et puis oui, il y a 5 ans à peu près, j'ai commencé à les chanter en public. Mais il y a pas longtemps? Non, ça fait pas très longtemps. Mais qu'est-ce qui a fait que ça t'a pris autant de temps à te lancer? Bah, je faisais d'autres choses. Ok, moi, ouais, voilà. De payant. Je faisais des études de lettres, je faisais... j'ai fait des études de cinéma, en fait, après. Oui. Donc, du coup, là, je suis toujours un petit peu à cheval entre les deux, okay. Les deux expressions. Ouais. Ouais. Donc, je suis scénariste à côté, en fait, et réalisatrice. Voilà, donc j'ai un peu ces deux choses qui sont deux façons de... Alors, toi, lorsque tu mets ce que j'ai à dire. Est-ce que tu vois des histoires? Oui. Comme la chanson de Reggiani, oui. Les histoires se créent. Oui, c'est vrai que j'ai une... Mais ça vient aussi de ma formation de scénariste et tout ça, je pense. J'ai une approche très narrative quand même de la chanson, et c'est vrai que j'aime bien que ça raconte des choses, j'aime bien que ça raconte des histoires, j'aime bien qu'il y ait des personnages. Mais qu'est-ce que moi, je joue des personnages aussi qui ne sont pas forcément les mêmes. Tu te places en scène, tu te mets en scène. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ce que tu écris va se trouver sur une chanson et non pas dans un film ou un court-métrage? Ah, c'est une bonne question. En général, c'est... Mais c'est vrai que des fois la question se pose quand j'ai des histoires à raconter, je me dis, ça pourrait dans faire un court métrage ou alors ça pourrait faire une chanson. Ouais. Ou un clip aussi peut-être, chanson. Oui, c'est vrai que c'est assez... Fais-tu beaucoup de clips? Non, c'est vrai que je connais pas trop ça, mais c'est vrai que ce serait aussi à réfléchir. Tu pourrais aussi mettre en scène des chansons, donc, des comédies. Oui, tout à fait. Et ce qui fait ça, c'est... C'est plutôt une intuition, hein, en général. C'est parfois j'essaye un peu les deux. Enfin aussi, je commence à écrire 2-3 vers ou 2-3 notes sur un film. Et puis finalement, c'est quand je me rends compte que l'histoire se joue beaucoup quand même dans le, comment dire, dans les sensations, dans la formulation de quelque chose de ressenti. Je me dis c'est plus facile en chanson parce qu'en film, finalement, on restera peut-être trop extérieur à ce qui se joue. On aura moins accès à l'intériorité. Et du coup, je me dis peut-être en chanson, ça me permet d'avoir vraiment un point de vue, de raconter ce que quelqu'un pense d'une situation. Donc d'être vraiment dans le point de vue de quelqu'un qui dit je et qui raconte son sentiment sur une situation. Enfin voilà, c'est un petit peu là peut-être que se fait le choix. Mais c'est très très mince, hein, est-ce parce que c'est voilà. Utiliser une voix intradiégétique. Bien sûr, bien sûr, c'est très mince. Mais ouais. Voilà, en général, si c'est plus une situation, c'est plus cinéma. Et si c'est plus vraiment quelqu'un qui a quelque chose à raconter sur une situation, et ben je vais le faire plutôt en chanson. Également, s'il y a juste un fil conducteur de la personne et non pas d'autres personnages qui viennent se... Oui. Donc ça peut... Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que tu fonctionnes sur des standards d'écriture, c'est-à-dire 3-4 minutes, ou tu peux te lancer comme Léo Ferré sur 20-25 minutes? Non, en général, mes chansons, elles sont... courtes? Elles sont pas très courtes, ouais. Non. Elles sont un peu plus longues que la moyenne. Ouais, c'est plus 4-5 minutes. J'en ai qui font 3, mais en général, elles font plus 4 que 3. Voilà, c'est plutôt en général, on dit c'est 3 minutes pour les passages. Moi, c'est souvent un petit peu plus. 3-20, 3-30, sinon les gens vont quitter. Oui, c'est ça. C'est plutôt 4 en général. C'est oui. Mais. Ouais, non, voilà, après. Parce que j'aime bien les. En fait, c'est vrai que j'écris des textes qui sont assez longs, peut-être un peu trop parfois, j'essaye de me canaliser un petit peu, j'ai tendance à déborder. Mais j'aime bien les textes longs, j'aime bien les textes... Parce que tu trouves que ça raconte tout, que la musique peut pas arriver à correspondre à ce que tu veux apporter? Parce que la musique peut aussi... Oui, la musique raconte aussi, bien sûr. Peut raconter la musique raconte beaucoup, non, c'est sûr. Après, ça dépend des textes, en fait, ça dépend des chansons. C'est vrai qu'il y a des chansons où... ou qui sont très scéniques, ou du coup j'ai envie qu'il y ait beaucoup à dire, enfin où il y a beaucoup à jouer, beaucoup à dire, et où ça a du sens aussi que le texte soit assez long. Il y a des morceaux où j'aime bien aussi que la musique raconte, c'est sûr. Mais Alissa, toi, est-ce que tu restes souvent au piano ou tu peux sortir comme Tori Amos et prendre le micro et passer... Non, moi je reste au piano parce que je suis toute seule, en fait. Okay. J'aimerais bien, enfin, c'est aussi quelque chose à quoi je réfléchis, enfin, de me faire accompagner plus par des musiciens et... Ou peut-être tu peux aussi réciter un de tes textes puis retourner au piano après. Oui, ça m'arrive de le faire. Okay, c'est ça, je le fais, de me lever, de, voilà, de sortir. Oui, c'est ça. Ça, je le fais dans mes spectacles, de sortir et puis de revenir au piano après, mais parce c'est plus des... ce que tu as écrit et que tu récites ne pouvait pas être mis en musique. Comment ça, t'es arrivé à un blocage à un moment donné musical, tu dis « Oh non, je peux pas, je veux le raconter, mais je veux pas que ça soit confiné. Oui, ça peut être ça. Ça peut être, ça peut être des textes d'autres aussi que je lis parfois, c'est des textes, voilà, de Vian ou de voilà, ou de. Mais lesquels te titillent? Bah, en général, c'est quand. C'est un auteur ou c'est, un texte? C'est, bah là, j'en lis de Boris Vian, des fois, je lis de, d'auteurs plus contemporains. Enfin, ça dépend. En général, c'est aussi quand je trouve que ça résonne un petit peu avec. La chanson que tu viens voilà, de faire. C'est ça, ou celle que je vais faire, enfin, que ça permet aussi de faire une espèce de passage comme ça vers, vers autre chose, vers, vers une autre chanson. Vers une autre chanson, c'est voilà. Comme un chemin que tu exactement. Emprunts, à travers ouais. D'autres poètes. Exactement. Pour amalgamer tout ça et mettre l'environnement poétique que tu as créé avec les autres du paysage poétique français. C'est ça, oui. Alors, c'est comme dresser ton univers à travers toi et à travers les autres. Exactement, oui. Et le travail, est-ce que c'est beaucoup d'acharnement d'écrire de la musique et d'écrire des paroles, ou si ça vient tout seul, vu aussi que tu fais des scénarios, donc dans la période, tu es en pleine création, constamment. Il n'y a pas de pause pour un créateur, pour un poète. Non, non. Vraiment. Tu t'inspires de n'importe quoi, oui. Donc même sur la plage, tu vas vérifier. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va te faire prendre le crayon? Ou le piano? Ou la caméra? En fait, je me pose pas vraiment la question, parce que quand je le fais, c'est que c'est nécessaire, quoi. C'est qu'il y a une urgence, c'est qu'il y a une envie vraiment profonde, c'est que tout à coup, il y a quelque chose qui m'interpelle, quelque chose que je vois ou quelque chose que je pense. Mais ça peut venir de plein de choses différentes. Hein. Ça peut être des choses vues, ça peut être des images, des couleurs. C'est des envies assez, assez diverses, des univers, des choses découvertes. Oui, ça peut être. Mais en général, ça vient vraiment d'un coup de cœur, enfin, d'une envie profonde. Donc. Voilà qu'au tout début, ouvrant mes petits yeux, j'ai rencontré le monde, presque par hasard. Je n'étais qu'une enfant, j'avais le cœur curieux. Le monde m'a dit, viens, y a plein de choses à voir. Et j'y ai cru pardi, j'ai commencé à croire que la terre était belle et le printemps radieux, qu'il suffisait de sautiller sur les trottoirs pour transformer le monde en grand terrain de jeu. Mais il y a des lois qui blessent les enfants, Eden ne fait pas si d'air, redescend sur terre. Les grands châteaux de sable ne durent qu'un temps, même au pays du rêve, il y a des frontières. Et pourtant j'y croyais, je faisais cet effort, oui pourtant j'y croyais. J'y crois sans doute encore. Voilà qu'en grandissant, ouvrant ma petite âme, j'ai rencontré l'amour et j'ai voulu le suivre. Que j'étais jeune un jour et voulant être femme, et l'amour m'a dit, viens, y a plein de choses à vivre. Et j'y ai cru pardi, j'ai cru que dans ses bras mon cœur pouvait prétendre à la vie éternelle. Que les je t'aime encore, les ne me quitte pas, ça n'existait pas que dans les chansons de Brel. Mais il y a des lois qui blessent les amants, les cœurs changent de cap et le bonheur chavire. Les illusions s'échouent sur la plage du temps, il y a des frontières au pays du désir. Et pourtant j'y croyais avec l'âme et le corps, oui pourtant j'y croyais, j'y crois sans doute encore. Voilà qu'en découvrant les autres, les rebelles, j'ai rencontré l'espoir en me tenant debout près d'eux. Que j'étais grande, seule, que j'étais frêle, et les autres m'ont dit, viens marcher avec nous. Et j'y ai cru pardi, je continuais de croire que l'on pouvait se battre avec des idéaux, que l'union de nos cris pourrait changer l'histoire et que la liberté aurait le dernier mot. Mais il y a des lois qui blessent les élans et dispersent les foules et les indignations. Ils veulent nous faire peur, ces hommes qu'on dit grands, et mettre des frontières au pays de l'action. Et pourtant j'y croyais, à la vie, à la mort, oui pourtant j'y croyais, j'y crois sans doute encore. J'ai rencontré mon cœur qui frémissait, envie tout prêt à exploser, à sortir de ses gonds. Et mon cœur m'a dit, chante, chante toute ta vie. Et j'y ai cru pardi, je m'acharnais à croire que le salut viendrait de l'imagination, qu'il fallait inventer toutes sortes d'histoires et repeindre le monde à grands coups de chansons. Il y a bien des lois qui voudraient me faire taire, qui me jugent naïve et pleine d'illusions, qui crient plaît à mes oreilles. Mais redescends sur terre, ce n'est pas bien sérieux cette histoire de chanson. Ce sont les lois que font tous les honnêtes gens, ceux qui ne jurent que par la sainte raison. Mais la raison, pardi, je m'en fous complètement. Je trouve plus de charme à l'imagination. Je veux être naïve comme une gamine et faire de ma vie un grand acte de foi. Je veux croire aux étoiles dès que le jour décline et faire de ma vie un grand acte de joie. Je veux être naïve et tant pis pour les lois, tant pis pour la raison, tant mieux pour les sourires et tant mieux pour l'enfant qui vit encore en moi. Je veux être naïve et ne jamais vieillir. Papa, et tant mieux pour l'enfant qui vit encore en moi. Je veux être naïve et ne jamais mourir. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. De raconter plutôt. De raconter, de donner à voir, de donner à penser, de donner à rêver. À réfléchir aussi. À réfléchir, bien sûr. Parce que tu veux pas que les gens qui partent restent avec un flou. Tu veux leur montrer que les problèmes d'une société... À leur donner des choses, en tout cas, leur donner de la matière, enfin, leur donner de... Ouais, de la matière à penser, à rêver. Après, je sais pas si je... Je pense que j'ai une approche de la chanson et du cinéma assez rêveuse, enfin, on va dire, assez... plus que dénonciatrice. Donc, évidemment qu'il y a des choses... Mais je sais pas si c'est divertir, c'est... Mais en tout cas, je pense pas que je donne des messages ou des choses comme ça, je suis pas complètement dans cette approche-là. Je les laisse un peu libres de penser ce qu'ils veulent, mais je donne des choses, quoi. J'essaye de leur donner de la matière à penser, à réfléchir, à rêver. Mais pour moi, le fait de rêver, de proposer quelque chose de cet ordre-là, c'est aussi une réaction contre des façons de penser aujourd'hui ou contre des choses... qu'on a envie de nous faire penser aujourd'hui ou une mentalité qu'on a envie de nous enseigner aujourd'hui. C'est aussi une réaction, quoi, une façon de dire on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. D'être d'accord avec tout, on a aussi le droit de... Est-ce que tu veux parler aussi de la condition de la femme? Parce que aujourd'hui c'est assez... En étant une fille, est-ce que tu veux parler de ce que les gens peuvent percevoir dans la rue d'une fille? Est-ce que tu veux remettre en question certains problèmes sociétaux, féministes et féminines? Oui, c'est sûr que de toute façon, je parle d'où je suis. Donc, ouais. Étant une femme, je m'inscris dans une chanson à texte féminine, féministe. Je ne me dis pas je fais une chanson féministe. Ouais. Jamais je me dis ça. Okay. Mais je vois bien que c'est imprégné d'une pensée... Ouais. De moi, de choses que je vois, des femmes que je connais, enfin... Tout ce que on te raconte, l'histoire amoureuse de tes copines... Oui, enfin, je sais pas si c'est ça, mais enfin, en tout cas, de... La condition oui, de la vie, ouais, ici ouais. À Paris. Oui. Non, c'est sûr que ça imprègne forcément. Alors, tu es féministe? Ah bah oui, je pense, qu'on peut le dire. Mais c'est qui t'a amené ce féminisme-là? C'est ta mère ou c'est des chanteuses comme Anne Sylvestre, comme... Bon, c'est un peu tout, oui, c'est une... Est-ce que... Moi, il y a des figures de femmes qui m'ont beaucoup marquée dans mon enfance. Côté chanson, ce serait Anne Sylvestre. Côté cinéma, c'est Agnès Varda, par exemple, qui a beaucoup compté dans mon parcours, beaucoup. Elle écrit encore, Agnès Varda, c'est incroyable. Elle a une petite boutique. Ah oui, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Et elle, c'est une femme que j'ai rencontrée très jeune, que j'ai rencontrée à 10 ans, tu vois. Enfin, quoi, ta mère te l'a présentée? Non, moi, je lui ai écrit avec une copine. Non, j'étais très... enfant, j'étais... Mais qu'est-ce que t'avais fait, j'allais vraiment chercher les gens. J'étais très demandeuse de rencontres. J'avais vraiment envie d'aller. J'étais très déterminée. Agnès Varda voulait rencontrer un enfant de 10 ans. Oui. En fait, on avait écrit avec une amie, une copine, ma copine d'enfance, qui est devenue comédienne depuis. Est-ce que ta copine, tu la revois? Ah oui, on est resté très proche. Est-ce qu'elle est catholique seule comme toi? Elle est comédienne aujourd'hui, ah oui? À Marseille. Ouais. Ah, oh, à Marseille, j'allais ouais. Dire, il faut que je la rencontre. Okay. Bah oui, ouais, bon, c'est un peu loin. Oui, ouais, elle est comédienne et... Elle s'appelle? Claire Philippe, elle s'appelle. Okay. Et donc, on avait écrit Agnès Varda, on lui avait envoyé en fait une espèce de cahier qu'on avait fait sur demi, c'était en 97, quoi, j'avais 11 ans, 97. Voilà, c'était une espèce de... C'était juste avant, en fait, c'était peut-être au tout début d'Internet, mais en tout cas, c'était juste avant, nous, on n'avait pas ça, donc c'était encore... Papier, des photocopies, des collages, on découpait, on avait envoyé tout ça, et donc c'était une espèce d'abécédaire sur Jacques Demy, où on s'était beaucoup documenté, et donc c'était A comme Agnès Varda, B comme la Baie des Anges, C comme une chambre en ville, etc., avec des textes sur... Alors ça prouvait que vous aviez une culture... Exactement, non, c'était une vraie recherche, nous, on présentait ça comme un livre. Pourquoi tu voulais lui envoyer ça, pour montrer ton témoignage? Oui, pour montrer que c'était quelqu'un qui comptait pour nous, et que... Quel film que t'avais vu d'Agnès Varda, disons? Oh, j'en avais vu pas mal, je crois. Cléo de 5 à 7, Antoine Ilois, Le Bonheur, Créature. Excuse-moi, vas-y. La Pointe Courte, aussi, enfin, non, j'en avais vu beaucoup, ouais. Okay. Et puis de Jacques Demy, on avait tout vu, quoi, je pense, à peu près. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que moi aussi, c'était Éric Rohmer lorsque j'étais enfant. Ouais. Et j'ai vu La Collectionneuse, j'ai tout vu ces films-là, La Femme de l'Aviateur. Et j'avais 10, 11, 12, 13 ans. Et moi, ce qui me plaisait dans ces films-là, c'est que ça me transcendait. Je ne savais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui m'intéressait, même si ça allait plus loin que moi. J'avais un intérêt. Tout à fait. Il y avait quelque chose qui m'amenait à aller plus loin sans que je puisse savoir pourquoi. Jean Doyon, la même chose. Et voilà, mais tout à fait, c'est la même chose. Hein. C'est voilà, des choses qui nous frappent, on se rend compte qu'il y a des choses, mais je crois qu'on perçoit quand même beaucoup de choses, enfin, mais on comprend pas tout, on sait pas forcément mettre les mots. Mais on perçoit les émotions, on perçoit quand même la richesse qu'il y a derrière tout ça, et effectivement, ça donne. C'est des choses qui nous tirent vers le haut, qui nous construisent. Et lorsque vous l'avez rencontré, comment c'était? C'était drôle, c'était à La Rochelle, autour d'une gaufre, on se mettait du sucre glace partout, c'était assez rigolo. Elle était très très jeune. En quelle année? C'était en 80, c'était un an après qu'on l'a rencontrée, donc 98. Dans 98. Ok, elle avait fait. Moi je suis née en 86, donc on lui a envoyé en 97. Et on l'a rencontré un an après, en 98. Okay. Elle avait fait Jane B. et tout ça. Elle avait fait, ouais. Mais c'était avant Les Glaneurs et la Glaneuse, qui a eu beaucoup de succès. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on a pu la rencontrer et que notre lettre a été vue. Parce qu'aujourd'hui, depuis Les Glaneurs et la Glaneuse, elle reçoit quand même beaucoup, beaucoup de courriers. Donc c'est plus compliqué aussi de tout voir. Oui. C'est spécial. Oui. En plus, c'est un cinéma obtus, c'est un cinéma fermé. C'est un cinéma d'auteur. Elle va vers les gens en même temps. C'est quand même. Mais c'est pas Rocky, on s'entend. C'est pas Rocky, c'est pas. Ah, ben bien sûr, oui. Bon, on est d'accord. Bon, oui. Alors, c'est un cinéma d'auteur. C'est un cinéma qui se laisse apprivoiser. C'est pas un cinéma facile. Non, c'est sûr. Et qu'est-ce que Agnès Varda vous a raconté? Oh, bah, plein de choses. plein de choses, mais... aussi, elle vous parlait comme vous étiez des adultes. Oui, de toute façon, moi, j'ai continué à la voir après. Donc après, tout se mélange un petit peu. Je ne sais plus exactement ce qu'elle nous avait dit à l'époque. Oui, elle m'a écoutée. Elle est venue m'entendre en concert un jour. Il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui, elle est quand même... Il y a 2 ans, je crois. Oh, oui. Est-ce qu'elle est en forme encore? Elle est en forme encore, oui. Non, elle est très bien, en forme, elle marche bien. Oui, elle est très en forme. Elle va au cinéma assez souvent. Oui, oui. Elle ne s'est pas coupée. L'âge n'a pas fait en sorte qu'elle est devenue... Elle n'est pas devenue aigrie. Non, pas du tout. Non, elle est très curieuse, très vive. Non, c'est vraiment une femme... C'est un enfant de 80 quelques années. Oui. Ouais. Non, c'est une femme extraordinaire. Et à part ces femmes-là, outre ces femmes-là, lesquelles t'ont forgé le féminisme et le côté un peu plus pointu de ce que tu es aujourd'hui? Je sais pas, ma mère. Par la exemple. Première, c'est ta mère. Hein, la première. Disait, c'est son père. Ouais. Okay. Ma mère qui est une femme de tête. Elle est professeure. Elle est non, pas du tout. Elle est. Elle a une association autour de la littérature pour enfants, des livres pour enfants, elle conduit un camion plein de livres pour enfants et elle va lire des histoires aux enfants peu partout en Bretagne. Ok. Et Oui, d'une certaine manière. Enfin voilà. Mais pas la mieux. Elle s'occupe de la vie de l'association, non pas la. Elle s'occupe de la vie de l'association, mais du coup, il y a toute une partie rencontre avec des enfants et alors elle aime bien, elle aime bien que les enfants... Oh oui, les intonations lorsqu'elle lit. Et le grand méchant loup, ah oui. Voilà, c'est okay. C'est donc... aussi autour de la narration et de l'histoire. Oui, oui, c'est ça, mais elle aime bien de voir la réaction de ses petits. Oui. Puis souvent, ça peut créer en eux l'intérêt d'aller plus loin dans la littérature. Elle en est consciente. Bien sûr. Est-ce qu'elle écrit elle-même? Non. OK. Non. Elle fait de l'interprétation? Oui. Et elle n'est pas comédienne? Non, okay. Elle raconte, quoi, mais elle n'est pas comédienne, c'est le plaisir de raconter. Et toi, comme parce que tu as eu une formation aussi de comédienne, qu'est-ce qui t'a amené à la comédie? Est-ce que tu joues souvent? Je suis pas comédienne professionnelle. Après, c'est vrai que j'ai joué beaucoup quand j'étais adolescente, jeune fille, enfin, voilà, dans divers cours. C'était une envie que j'ai eue assez jeune. Surtout pour incarner tes chansons. Oui, maintenant c'est là que je trouve tout le côté scénique, c'est là-dedans qui s'épanouit hein, pour moi. Enfin, c'est vraiment dans l'interprétation des chansons. Mais c'est vrai que oui, c'est un plaisir. C'est une envie qui est venue assez vite et puis j'ai trouvé beaucoup de plaisir hein, parce que c'est un lieu où on se trouve, on se sent un peu protégé. On est à la fois très exposé et très protégé, c'est assez étrange. Très exposé évidemment, surtout quand on dit ses propres textes parce que voilà, on se met vraiment à nu et en même temps la musique est quand même une enveloppe, plus le fait d'avoir des textes qui sont déjà écrits et qui sont aussi des textes où je me raconte, mais je me raconte par des détours, je me raconte quand je dis c'est pas moi, c'est d'autres gens, c'est des personnages, c'est des histoires, donc ça peut être moi mais on le sait pas, enfin voilà, c'est maquillé, on le dira pas, voilà, c'est ça. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Folle de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage, folle de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur, cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie, ou sur quelques loques je gis. Si je sors, c'est pour quelques pas. L'espace horrible fond sur moi comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi hi hi, que c'est drôle, que c'est joli, dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis. Brûler vive sur le bûcher, l'esprit et le corps embrasés, comme une femme à l'habitude, de l'est à l'ouest, du nord au sud, noircie par toutes les tortures et rongée par la moisissure, ensevelie dans les glaciers, projetée dans un corps d'acier. Solitaire entre les planètes, sans paroi, sans chair, sans arête, étouffée de serpents flambants, assourdie de cris de mourants, je ne sais comment je survis. Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi, hi, hi. Que c'est drôle, que que c'est joli dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis. La haine et la misère au cœur, au cul le feu et la douleur. J'avoue, oui, j'avoue que j'ai peur, crevé de blessures, de fleurs. Carnivore et omnivore, dans l'éther effrayant que dort le soleil de Satan puant, calcinant la mer et le vent. J'avoue, oui, j'avoue que je crève jusqu'au tombeau glacé du rêve. J'abandonne alliés et amis à leur sort plein de mélodies. Scribouillard qui chie ta copie, comprends-le, c'est ça ma folie. Brigitte est folle, hi hi hi. Que c'est drôle, que c'est joli dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis. C'est des jeux qui sont des jeux écrits, qui sont des jeux quand même de fiction, de représentation. Donc c'est un espace qui est à la fois de la plus grande exposition et de la plus grande protection. Donc c'est très agréable de jouer là-dessus. Quelle est la différence pour toi entre le disque et la scène ? Bah moi, le disque, c'est un plaisir aussi parce que, comment dire ? Moi, je suis très perfectionniste, donc là-dessus, à un moment donné, il faut dire non. Mais c'est vrai que le disque, on peut quand même, quand ça ne va pas, on peut refaire. Enfin, ça, c'est aussi le plaisir de pouvoir améliorer, de pouvoir peaufiner, travailler vraiment très, très en détail. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu penses ce que tu es en train de présenter là sur disque, tu dois le recréer sur scène, donc tu essaies de mettre la simplicité, pouvoir te retrouver piano, voix. Comment ça, de recréer Lorsque tu prépares un album léché avec des musiciens ou juste piano-voix? Non, je fais juste piano-voix pour l'instant, mais là je suis en train, en fait j'en ai sorti qu'un il y a longtemps au tout début, qui était piano-voix. Là je suis en train d'en préparer un deuxième qui correspond plus à ce que je fais maintenant. Et toujours piano-voix? Mais toujours piano-voix, okay. Oui. Après je réfléchis à faire autre chose un peu avec d'autres musiciens, pour l'instant j'ai pas encore mis ça complètement en place. Mais c'est vrai que le piano-voix, à la fois du coup on est plus fidèle à ce que je fais sur scène. En même temps, c'est évidemment pas les mêmes problématiques en studio que sur scène. Hein. Sur scène, c'est très naturel parce que on est dans la vie, donc je suis toute seule, je suis dans le piano-voix. Mais est-ce que c'est une prise en studio? Non, on fait plusieurs prises. Ah. Oui. Non, on fait plusieurs prises. Mais c'est voix et piano en même temps. Oui. Ok. Mm. Et le travail de scène, est-ce que tu délivres un peu comme Juliette Gréco tes chansons avec parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos. Tu t'abandonnes, tu. Mm. Oui. C'est très bien. C'est un compliment. Non, j'essaie. Oui, je m'abandonne. Enfin, oui. Après, je ne sais pas si. Non, je m'abandonne complètement. Oui. Est-ce que tu te surprends lorsque tu regardes des photos, lorsque tu regardes des courtes vidéos que quelqu'un t'a. Ah oui, je suis en transe. Je viens de. Oui. Ouais. Oui, parce que je ne me rends pas complètement compte. Tu t'abandonnes. On peut dire que tu es vraiment abandonné. Oui. Et trouves-tu que c'est difficile le fait de se retrouver après ça parmi les gens quand on s'est dépouillé autant? C'est un état d'épuisement total après en général, donc on fait un petit peu semblant, mais ça c'est vrai pour tous les artistes de scène. Hein. Je pense que L'après-spectacle, c'est toujours un moment un peu particulier parce qu'on croise des gens, seul, on dit... Les gens qui veulent c'est agréable aussi, c'est pas que je voudrais me retrouver seule parce que c'est aussi agréable, mais par contre, on est dans une espèce de, d'état second. On sourit, on est content, mais par contre, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on est absent. On est vidé, quoi, donc on n'a plus rien à donner, donc on n'a plus qu'un sourire et quelques paroles à donner. Voilà, c'est ça. Est-ce que le travail de scène te plaît davantage que le travail de studio? Ah oui, je pense. Oui, parce que... C'est le fait de donner? Oui. Oui, le fait de donner. Le fait surtout d'être dans la... Ce qui est difficile en studio, c'est de... Comment dire? De pas avoir... Quand je chante, l'énergie du public, elle me nourrit beaucoup quand même. Et je suis très sensible à ce qui va se passer en face et aux différentes soirées, aux différents publics. Et c'est vrai que de ne pas avoir ça, d'être avec soi-même, alors il y a l'ingénieur du son, il y a des gens qui vont faire des retours, mais pas, ils sont de l'autre côté d'une vitre, ils sont pas là quand on chante. Quoi. Ils vont dire après, ah bah là, faudrait refaire ceci, cela, là, peut-être t'étais passé ceci, cela. Mais c'est pas, il n'y a pas d'énergie qui passe à travers la vitre du studio, alors que dans la scène, c'est vraiment... Ça me porte beaucoup. Quoi que l'énergie vient de toi. Ça vient de moi, mais c'est nourri par ce qu'il y a en face, quoi, complètement. Ouais. Mais tu n'as jamais pensé de faire un album devant public? Si. Là, je suis en train de mettre ça en place pour l'année prochaine, parce qu'il faut vraiment que... Que tu montes la mesure de ce que tu fais. Ça conviendrait vraiment à ce que je fais, en fait. Et non pas suivi d'un DVD, uniquement audio? Non, vraiment audio, mais ça, voilà, j'essaye de le mettre en place. Là, je vais avoir un concert... Un nouveau concert au Forum Léo Ferré à la saison prochaine. T'as déjà signé avec... On n'a pas encore pris date, mais c'est sûr qu'on va le faire. Combien de temps de... Je veux dire, combien de spectacles? Au moins une date, peut-être plus, je vais voir, on va voir. Et après, tu joues où, à quel endroit? C'est difficile. Y a pas mal de lieux. Moi, je joue beaucoup au Magique aussi, qui est un petit lieu... très sympathique, qui est tenu par un chanteur qui s'appelle Marc Avec, qui est formidable. Je chante aussi à l'Entrepôt, dans le 14e, au Théâtre de la Vieille Grille, j'ai chanté beaucoup à la saison dernière, qui est un petit théâtre dans le 5e, avec des gens qui font aussi un travail formidable, Laurent Berman et Anne Quesement. Donc c'est un peu ces lieux-là. Après, j'ai chanté aussi pas mal dans des cafés, mais c'est compliqué, les lieux où il n'y a pas de piano. C'est un réseau. Après, c'est facile de trouver des salles, des cafés, mais souvent, il n'y a pas de piano, donc ça veut dire... Es-tu déçu du piano, souvent, lorsque tu te présentes dans un lieu? Tu te dis, oh merde, ça sonne... Non, moi du moment qu'il y a un piano, je suis contente. Le problème, c'est les lieux où il n'y a pas de piano, parce que ça veut dire apporter mon... Non, je ne joue pas de guitare. Mais clavier. Donc clavier, voilà. Après, s'il n'y a pas de piano, ça veut... Moi, j'ai fait aussi, j'ai fait ça aussi beaucoup et c'était quand même un peu pénible. Et surtout pour une fille. Surtout que je n'ai pas de voiture, donc c'est un peu compliqué. C'est surtout ça. Mais c'est difficile de vivre de tout ça, donc c'est l'écriture qui t'amène... C'est difficile de vivre de tout ça. Moi, c'est pour ça aussi que Moi, je fais pas ça à temps plein, donc j'ai aussi mes activités de cinéma à côté. Et le cinéma, c'est quand même assez rémunérateur, Je vais pas dire que c'est simple non plus, des projets rémunérés. Qu'est-ce que tu fais des scénarios. Alors, je travaille sur des scénarios pour d'autres gens, et puis je travaille sur mes films. Je prépare un long métrage en tant que réalisatrice aussi, là. Donc j'écris le scénario aussi, et que je vais filmer aussi, Je peux en parler rapidement. Ça se passe dans le milieu du cirque, donc c'est encore autre chose. Là, typiquement, c'était un coup de cœur d'un spectacle que j'ai découvert un jour d'une compagnie qui s'appelle Rasposo. Une formidable compagnie en Bourgogne qui fait un très très beau travail, font des spectacles de cirque contemporain très poétiques. Et donc, j'ai découvert leur travail. Est-ce que ça sert au Cirque du Soleil? Peut-être des liens dans la poésie. Ils n'ont pas de liens, je crois pas. Est-ce qu'il y a des bêtes? Est-ce qu'il y a des lions? Ou si c'est un cirque sans animaux? Il y a des animaux. Enfin, ça dépend des spectacles, mais là, ils ont fait un spectacle avec des animaux, le dernier. Enfin, avec un tigre. As-tu vu sur le plus grand chapiteau du monde? Oui. Du coup, c'est une envie qui est venue de la découverte de ce... Et tu peux raconter l'histoire des gitans, des gens qui s'en vont dans... de place en place. Oui, c'est ça. Et c'est une histoire à travers ça. Oui, exactement. Les gens qui gravitent autour vont vivre la micro-société. Exactement. Tu veux montrer la micro-société. Exactement, oui. Vas-tu travailler selon le cinéma direct ou afilmique? Comment ça? parce qu'un cinéma afilmique, c'est filmé. filmer le direct, mais avec une certaine mise en scène, mais beaucoup d'improvisation. Oui. Qui alors en faisait de oui, oui. Oui. À Nos Amours, c'est juste ça, c'est 70% d'improvisation. Oui, oui, je sais bien. C'est... Je sais pas trop comment... Enfin, bon, moi, je pense aussi que ça dépend un peu des projets. Là, je pense que comme c'est un projet qui est beaucoup, comme tu dis, autour d'une micro-société, enfin, voilà, ça se prêtera à ça. Moi, c'est pas tellement ma manière de travailler d'habitude. Okay. Mais là, je pense que ça se prêtera à de l'improvisation dans la mesure où on va travailler avec des vrais artistes de cirque, on va travailler avec des gens qui vivent vraiment ça. Donc, voilà, ça va... Alors, c'est la forcément, on aura envie que ça déborde du scénario et que leur vie vienne imprégner... Et c'est peut-être avoir filmé quelques trucs que tu vas retravailler le scénario bien comme sûr. Truffaut voilà, faisait c'est ça. Le soir et glisser c'est en dessous ça. De la porte. Le... C'est ça, oui, oui. Alors, c'est à l'ancienne. Mm. Est-ce que est-ce que le travail est difficile de trouver des subventions? Ah bah oui, c'est ça qui est compliqué. Okay, c'est le nerf de la guerre, comme là, toujours, trouver l'argent. Là, là, on est en début de financement. On a une aide à l'écriture déjà de 20 000 euros, mais on est en début de financement sur le tournage, mais c'est en cours. Oui, on a des pistes, mais la troupe est quasiment... Je ne peux pas encore trop, parce qu'il n'y a rien de signé, d'officialisé, mais par contre, oui, on a déjà des comédiens. Est-ce que tu veux jouer dans ce film? Non, moi, je ne jouerai pas dedans. Okay. Tu ne vois pas un caméo comme Hitchcock? Non, je ne pense pas. Non. Je pense pas. J'aimerais bien jouer dans mes films un jour, je mais pas sur celui-là, la parce que papa, c'est ça. Mais je ne sais pas faire d'acrobatie non plus. Donc, non, mais tu peux préparer, je ne sais pas, quelque chose. Oui, c'est vrai, je pourrais faire... Juste un petit clin d'œil, c'est rigolo, ça j'aime bien. Agnès Varda en faisait pas, mais il y en a des comédiens, des réalisateurs qui dont Piala, je crois, faisait ça, oui. Souvent des clins d'œil, ou jouait contre, dans ses films. Mm-hmm. Crois-tu avoir comment dire, une signature? Ben, ouais, je sais, ça fait ça ferait prétentieux pour moi de dire, ouais, de dire pas ça. Mais je pense que ce que je fais a une cohérence. Après, je saurais pas la définir moi, c'est pas à moi de la définir. Mais je suis très fidèle à ce que j'espère. En tout cas, j'essaye d'être fidèle à ce que je suis, à ce que je veux faire. Donc, à partir de là, j'imagine que mes choses, mes créations se rejoignent, mes créations font sens et sont cohérentes entre elles. Mais honnêtement, je ne saurais pas mettre des mots là-dessus, je ne saurais pas dire mon style, c'est ceci, cela. Petit petit que c'était pas possible, tu petit pagineur. Je suis un tout petit pachyderme de sexe féminin, j'en ai gros sur le cœur. Râle la trompe, les gosses y sont heureux quand ils pleurent, après ils s'endorment. Moi j'en ai gros sur le cœur. Oh la trompe, oh la trompe. Celui qui a froid, il s'approche du feu. Mais moi, ma cheminée, elle fonctionne plus. Il y avait un arbre au milieu de la forêt, mais je ne l'ai pas vu. Râle la trompe, râle la trompe. Barrique sur deux poutres, c'était déjà dur à l'école. Et maintenant, je suis sur l'autre versant de la colline. Les purs et durs m'en ont tellement fait baver que j'ai cru un moment ne plus jamais avoir envie de chanter. Oh, la trompe. Chanteuse petit chat pétition, chanteuse petit chat galate soutien. Potiche, ça peut plus durer. Potiche, ça peut plus durer. Ah, ah, ah, la trompe. Ah, ah, ah, la trompe. La arbres préfèrent le calme. Mais le vent continue de souffler. Feu, femme, objet, je suis en transit. Feu, femme, objet, je suis en transit. À quel moment l'homme qui perd un par un ses cheveux peut-il être considéré comme chauve? Qui l'a dit, Lénine? Ouah, ouah, ouah! Ah, mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh, oh, oh, mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh, oh, oh, oh, oh, mais d'ici là, sur le verglas. Oh, mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh, oh, oh. Et à travers la musique, à travers le cinéma, puis à travers tous les médias, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rallie? Est-ce qu'il y a un message cohérent là-dedans, ou tu veux toucher à tout sans vouloir vraiment te poser? Non, je pense qu'il y a une cohérence. Je dirais pas message, parce que j'ai pas un truc à faire passer. Enfin, je réfléchis pas comme ça, je me dis pas je vais faire passer quelque chose qui préexisterait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas un truc qui préexiste et que j'ai envie de faire passer. Mais par contre, je pense vraiment qu'il y a une sensibilité qui est complètement commune à tout ce que je fais, quelle que soit la forme, et que finalement c'est toujours un peu une sensibilité féminine ou une sensibilité qui est un petit peu entre entre quelque chose qui est un petit peu mélancolique et en même temps avec de l'espoir, qui est un petit peu entre ces deux choses là la mélancolie de quoi? La mélancolie tout court. Okay. Une mélancolie de ce que était une certaine époque et aujourd'hui. Non, c'est pas de la nostalgie, c'est plus c'est plus une mélancolie un petit peu. Une façon d'être un petit peu à côté du monde, un petit peu de ne pas trouver complètement une pleine place dans le monde d'aujourd'hui, enfin de se sentir un petit peu dans les à côté et de mettre ça en mots, de mettre ça en musique, en images, ce sentiment d'être un petit peu en dehors, un petit peu en décalage, oui. Et puis, je pense que les émotions que j'ai envie de toucher, de réveiller, c'est finalement les mêmes en fait, que ce soit la chanson de cinéma, d'avoir comme ça des. Une espèce de voyage qui navigue entre des moments un peu tristes, un peu rêveurs, et puis des moments où on sourit, où on a plus d'humour. Finalement, c'est des choses qui se retrouvent, je pense, à la fois dans mes écritures scénaristiques et dans mes écritures de chansons. En un mot, c'est divertir. Mais c'est pas que divertir. L'idée de divertir, il y a l'idée que... divertir, oui, dans le sens où on emmène les gens quelque part. En amenant quelque chose d'un peu plus profond. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas l'idée de... Il y a une connotation un peu superficielle dans divertir que j'aime pas trop, non. Il y a l'idée quand même d'apporter quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. L'idée d'apporter quelque chose vraiment aux gens, quoi, dans la mesure du possible, modestement, avec les armes que j'ai. Parce que là, tu fais de la chanson depuis peu, mais le public a suivi ton cheminement, les gens qui ont aimé le début et toi qui te trouvais peut-être un peu... Est-ce que tu vois pas quelque chose? Bah oui, si, je veux bien. Je veux bien un iced tea, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi ça, un iced tea? Un thé glacé. Ah, un thé glacé? Ouais. Je vais reprendre un autre Perrier, s'il vous plaît, parce que je commence à... C'est un délire ce temps. C'est déjà lourd, cette heure-ci. Ah oui. Ah, mais là, vous venez dans une heure, Non, mais mademoiselle rigole, c'est facile de rigoler des serveurs. Ah ben oui. Oui, effectivement. Je vais m'arrêter ici. Vous allez me voir liquide là. Ma petite brioche là, elle est perdue à la fin de la journée. Ah oui, je prendrai des photos. Je vais prendre des photos. Sur Facebook. Wait, watch your commercial. Exactement. Et donc, le public qui t'a suivi au début devant des chansons qui aujourd'hui peut-être. Est-ce que tu revendiques encore tes premières chansons? Certaines, enfin, il y en a que je chante plus, hein, honnêtement. Il y en a que je chante plus. Parce que là, j'en ai entendu quelques-unes qu'on retrouve sur YouTube. Oui. Ok. Oui, oui. Okay. Mais t'as un album encore premier album, est-ce non, qu'il je, okay. Non, il se trouve plus là. Mais non, je revendique. Non, je renie pas. Hein, c'est juste qu'il y en a certaines correspondent plus complètement à ce que je fais, à ce que je suis, donc je les chante plus, mais par contre, je les renie pas. Et puis, il y en a certaines que je chante encore, ça m'arrive, oui, il y en a qui ont survécu aux années. Est-ce que tu as voulu modifier? Ouais, je les ai un petit peu modifiées. La musique ou le texte? Le texte, plutôt. Après la musique, parfois je modifie un peu sur scène, enfin je modifie l'interprétation, elle change évidemment. J'improvise pas le texte, mais par contre je change un petit peu, j'essaye de changer un petit peu la façon de le dire, de le penser. Je le fais pas toujours, hein, mais des fois je me dis tiens celle-là, je vais essayer de la faire un peu plus. C'est simplement celle-là. Le public qui t'a suivi au début, est-ce que c'est le même en se rajoutant d'autres Ouais, c'est difficile d'évaluer ça. Je pense qu'il y a des gens oui, qui sont fidèles, qu'il y a des gens. Oui, si, quand même. Voilà, après, les gens ne viennent pas non plus m'écouter à chaque fois, heureusement. C'est bouche à oreille. Mais c'est bouche à oreille, oui. Internet, est-ce que tu trouves que c'est un bon médium gratos? Bah oui et non. Oui, c'est un très bon médium, évidemment. En même temps, comme du coup, il y a énormément de choses, c'est compliqué aussi de ressortir de tout ça. Mais ta force, est-ce que c'est le fait de tout faire au niveau artistique ou presque? Je sais pas si c'est ma force, parce qu'en même temps, ça... Quoi qu'une comédienne est quand même malheureusement sclérosée à des rôles, donc elle attend. Il y a tellement de personnes qui sortent des écoles. Ça, c'est épouvantable. C'est pour moi, être professeur, j'indiquerais aux comédiens et comédiennes, écoute, ils vont en sortir de 75, croyez pas travailler... Non, c'est sûr. Complètement. Mais toi, si ça fonctionne pas, tu peux faire de la musique. C'est vrai que c'est assez plaisant. En plus, on me contacte. Là, je vais faire une musique pour un film, pour un court-métrage, par exemple. Donc, c'est aussi... voilà, il y a des liens comme ça. Et c'est qui? C'est des gens que tu as connus à travers... Oui, c'est des gens que j'ai connus dans ma formation ou à travers des spectacles. Et tu as commencé déjà... Tu as vu le court extrait ou tu as vu des extraits du film pour... pour faire la musique du film? Non, le film n'est pas encore tourné, donc je compose en fait. C'est une comédie musicale, donc du coup j'écris une chanson avant. C'est un court-métrage. C'est un court-métrage en comédie musicale. Et les paroles vont. Et les paroles, c'est aussi moi qui les écris. Okay. Ouais. Ok, alors on t'a donné le thème. Voilà, et j'ai une commande. Et le film doit se faire sur la musique? Bah, le film se fait, oui, en tout cas, les passages chantés se font sur la musique. Ouais. Okay. On préenregistre et après ça, le tournage se fait avec un playback. C'est la première fois que tu fais ça? J'ai déjà composé des musiques, mais pas des chansons pour un court-métrage. Non, j'avais fait juste de la musique. Non, je dis des bêtises. Non, je l'avais fait avec une chanson aussi une fois. Merci. Pourquoi il y a toujours des micros sur votre table? Bon, c'est pas des micros, c'est juste des bibelots. Des bibelots. Qui servent à enjoliver la table. Les gens regardent, c'est pour me faire voir. Je suis comme ça dans la vie. Des micros, monsieur. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Oui. Ben oui. C'est bien. Mais oui, c'est bien. Un deux, oui, ça fonctionne. Excellent. Là, il faut que tu dises 3, 4. Arrêtez de lever les sourcils. Ça m'énerve. Daphné. Et ton travail... Juliette. On parlait de... Oui, non, je disais que j'avais déjà composé en fait une chanson pour un court-métrage. Mais j'avais pas fait les paroles, j'avais fait que la musique. Donc c'était encore un autre travail, parce que c'était la première lettre mise en musique de paroles existantes pour un court-métrage qui était musical. Ouais, avec Mais pourquoi ils veulent faire une comédie musicale et se fier à tes paroles avant de... C'est parce qu'ils te font confiance, ils connaissent ton univers? Oui, exactement. Ils m'ont entendu chanter et ouais, ils connaissent bien mon univers. Et puis ça va se faire bientôt? Il y a tellement de choses qui se préparent? Ça doit être terminé pour mai 2016, donc ça va forcément se faire bientôt. Ils ont eu des subventions? Ils ont gagné un concours, enfin on a gagné, parce que, qui s'appelle Les Enfants de Jacques Demy, qui est organisé par la région Poitou-Charentes, donc ça me fait rire. Et voilà, donc c'est une subvention de région, en fait, qui était sous la forme d'un concours autour de projet héritier Jacques Demy. Mais il me semble qu'il faut habiter la région pour y avoir droit? Non, il faut que le film soit tourné en région. Ok, c'est bien. Ce qui est le cas là, du coup. Ok. Et donc, la seule ombre, entre guillemets, c'est ça, c'est d'aller tourner là. Bah, c'est un plaisir, je crois. C'est bien. Oui, pour eux. Là, c'est pas moi qui réalise, mais je crois qu'ils sont très contents d'aller tourner là-bas. Et est-ce que tu vas être là lors du tournage? J'aimerais bien, on verra selon le moment. Et éventuellement, ton album que tu prépares, est-ce que c'est pour bientôt ou... J'aimerais bien qu'il soit après... 2016? Ouais, 2016. 2016, ce serait Et bien. Tous les textes sont déjà préparés? Oui. Et tu les as déjà essayés sur scène pour les... Oui, oui, oui, tous les textes sont déjà, oui. Et donc, tu as quand même une certaine habitude avec les mots et le piano. Oui, donc, oui. Lorsque tu vas arriver là-bas, c'est du travail en moins. Les chansons habitent déjà le piano et l'interprétation. Donc, utilises-tu beaucoup ton travail de comédienne lorsque tu chantes ou tu essaies d'abandonner ça? Ben, j'y pense pas, mais... Oui, je l'utilise forcément, instinctivement, on va dire. Mais de toute façon, quand on est sur scène sous des projecteurs, on ne peut, voilà, on est toute l'énergie de comédienne est mobilisée. Je me dis pas, je vais jouer ceci, cela. Ça passe pas par la conscience, mais il y a un côté très théâtral dans ce que je fais, enfin, j'espère. Est-ce que lorsque tu as fait tes études, tu savais vraiment pas si tu allais être comédienne, si tu allais être scénariste? Je me destinais plus au cinéma, en fait. La chanson est venue. Un peu, intuitivement, un peu naturellement en fait. Vraiment, il y a eu un moment donné où j'ai ressenti ce besoin-là parce que j'écrivais des textes, parce que ça venait à un moment... Mais les scénarios, est-ce qu'ils t'inspiraient? Est-ce que bonjour, tu te faisais inspirer de ce que tu voyais de Agnès Varda? Oui, en fait, c'était vraiment une... Le cinéma, c'était une passion d'enfant. Enfin, vraiment, très jeune, je regardais énormément de films. Mais pas des films destinés aux enfants? Non, non, je regardais des films d'adultes, mais j'étais un peu folle, enfin, je... Puis tes parents, comment ils m'encourageaient dans ma folie. C'est ça. Est-ce que c'était la période des VD? Non, c'était la période VHS. Cassettes? Non, c'était les cassettes vidéo. Quelle année? Les années 90, quoi, ouais. Ok, fin de la cassette. Fin de la cassette, ouais. Fin des années 90. Dans une robe toute blanche, je fus une jeune fille bien élevée. Communion, messe du dimanche, je m'enivrais de pureté. Je me souviens de mon mariage, heureuse toute blanc parée. Les cloches sonnaient au village, c'était comme un conte de fées. Et pourtant la fleur était rouge, qu'il m'avait offerte à genoux. C'est drôle parfois comme le rouge a des parfums de rêve fou. Le sang battait dans les veines, oui, mais on ne le montrait pas. Et le bonheur comme la peine devait se cacher sous les draps. Curieux temps que le temps du blanc. Bagues aux doigts, prince charmant. Tant de l'envie, tant du printemps. Je regarde par la fenêtre les arbres sans feuilles. J'aurai bientôt 100 ans, peut-être, dans ce fauteuil. Et comme jamais je ne bouge, jamais je ne pleure, je compte les voitures rouges, rugit le cœur. J'ai préparé chaque chemise, chaque repas et chaque enfant. Je n'avais pas à me plaindre sous le ciel gris des villes tristes. Au moins je n'avais rien à craindre, jamais je ne courais de risque. Pourtant les lèvres étaient rouges que je peignais chaque matin. C'est drôle parfois comme le rouge réveille ce qui s'est éteint. Et j'attendais d'être conquise à chaque petit déjeuner, mais je n'étais jamais surprise tous les jours, la même journée. Curieux temps que le temps du gris, tant de l'ennui, des ventres mous, tant de l'oubli, tant des époux. Je regarde par la fenêtre, je ne pense à rien, 90 ans, 100 peut-être, je ne sais plus bien, et comme jamais je ne bouge, et jamais ne pleure, je compte les voitures rouges, rugit le cœur. suivi son enterrement. Il y avait des brumes bizarres dans mes souvenirs vacillants, et rien ne me semblait réel dans ce cimetière étouffant, où de vieilles ombres en dentelle venaient me parler gravement. Et pourtant son cœur était rouge dans sa poitrine inanimée. C'est drôle parfois comme le rouge a des parfums d'éternité. Et je pensais à cette tache vivante encore au creux de lui, ce rouge qui toujours se cache et que je n'ai jamais saisi. Curieux temps que le temps du noir, tant des absents, tant des manquants, tant de mémoires, tant de vieillards. Je reste derrière la fenêtre, je pense aux nuages, non, je ne pense à rien peut-être. Je n'en ai plus l'âge, et comme jamais rien ne bouge, en attendant l'heure, je compte les voitures rouges qui passent rue Gilles-le-Cœur. En attendant l'heure, je compte les voitures rouges rue Gilles-le-Cœur. Ok. Ouais, années 90, fin des années 90. Ouais, j'ai vu beaucoup de films dont je comprenais pas tout, hein, effectivement, mais j'avais une fascination comme ça pour les comédiens, beaucoup. C'était quand même beaucoup les comédiens qui me. Les anciens, Jean Gabin ou les. Je regardais plutôt des films anciens. J'ai compris assez tard que le cinéma existait toujours. Mais. Ok, je savais pas que c'était. C'est ça, je croyais que c'était. La rose arrosée. Mais Jeanne Moreau, par exemple, j'ai une passion pour Jeanne Moreau. Mais c'est marrant parce que du coup, c'était aussi au croisement cinéma-chanson, tu vois. Ça, c'est une figure, vous parlez des femmes qui m'ont marqué. Jeanne Moreau, c'est une figure qui a été extrêmement importante pour moi. Mais quelle voix aujourd'hui c'est merveilleux, oui. j'adore cette voix-là. Elle dit tout, cette voix. Ouais. Et c'est vrai qu'elle, ça a été. Ça dit tout. Mais complètement. Ouais. Et ça a été, voilà, je connaissais à la fois ses chansons par cœur, et ça, c'est une. Dans la chanson et dans mon entrée dans l'univers de la chanson, c'est vrai qu'elle a joué un rôle important parce que j'aimais beaucoup ses chansons. Et ces films, c'était formidable parce que j'ai eu une espèce de coup de foudre pour elle, pour cette figure de femme intelligente, forte, audacieuse, une espèce de figure de liberté, quoi, de femme libre, qui m'a fascinée, mais très très jeune, à 8-9 ans, tu vois. Et j'ai voulu voir tous ces films. Je n'ose pas le raconter parce que je passe vraiment pour une folle. Mais en fait, le premier film je l'ai vu alors que je n'étais pas du tout censée le voir, c'était La mariée était en noir de Truffaut. Oui. Pas du tout un film pour enfants, mais j'avais 7 ans, tu vois. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça. Il se passait quelque chose. Je me suis dit, ça c'est. Quel film, hein. C'est un truc. Ouais. Et donc, suite à ça, je l'ai revu. Ouais. J'aime bien ce film, mais j'ai un rapport particulier. Du coup, j'ai un rapport très particulier à ce film. À cause de ça? Oui, bah oui, parce que c'était vraiment le film de mon enfance. Oui, mais en même temps, après coup, les années ont fait que, bien sûr, ta compréhension c'est un peu plus ouverte. Oui. Mais est-ce que tu sais quel élément déclencheur a pu te titiller à l'âge de 7 ans? Dans ce film? Oui. Je crois que c'était la détermination de la femme. La détermination de la femme là-dedans. Alors, c'est une détermination meurtrière, hein, évidemment. Hein, je sais pas. Heureusement. C'est pas devenu mon modèle de vie, heureusement. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qu'elle est dans ce film. De la détermination. Quoi. Mais les rôles de femmes de Truffaut sont forts. Ça, c'est pas des femmes soumises, c'est des femmes de tête. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, c'est vrai que. Que tu as analysé au bout du compte, c'est que c'est de voir cette femme-là qui tenait tête et qui avait quand même. Qui fonctionnait selon l'égalité homme-femme sans savoir à cette époque-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes comme film? Aujourd'hui, je vais beaucoup voir. En fait, je vois quand même beaucoup de films de ce qui sort aussi pour savoir ce qui se fait, hein, pour savoir où je me situe. Mais il y a moins de salles d'auteurs, il y en a plus? Il y en a un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Lesquels tu... Mais bon, moi je vais beaucoup, par exemple, là il y a un cinéma, un très beau cinéma tout près de chez moi qui s'appelle L'Escurial dans le 13e arrondissement. Ok. Qui a une très belle programmation. C'est des films récents. C'est des films qui sortent. Films anciens, c'est Quartier Latin. Enfin, voilà, les salles comme la Filmothèque du Quartier Latin ou la Cinémathèque, hein, bien sûr. Mais... Ah, Cinémathèque, oui. Mais dans les salles du Quartier Latin. Oui, c'est ça. Pour tout ce qui est film historique, à Paris, il y a quand même vraiment ce qu'il faut. Si tu veux voir un Becker, il y a quand même mieux. Restauré, ils travaillent toujours leur film. Ce n'est pas des vieilles copies, quoi que c'est toujours des vieilles copies. Oui. Est-ce que les films urbains te fascinent ou le cinéma vérité comme je sais pas, les Mifos ou des trucs comme ça qui t'ont marqué Oui, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que des films qui ont marqué ton adolescence? Oui, tellement. Non, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de films qui m'ont. Il y a beaucoup de films. Il y a, je sais pas, un film de. Les choses de la vie de Sauté, par exemple, ça a été un film qui m'a beaucoup marqué. Après, des films... là, je parle de films plus anciens. Après, dans les films qui sortaient, que j'ai pu voir au cinéma, je sais pas, un film comme La Chambre du Fils de Moretti aussi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Il y a tellement de choses, tellement de films qui m'ont laissé des fortes impressions. C'est quand même un univers en soi. Si on veut s'y impliquer, on peut rêver assez longtemps d'avoir des films. Wim Wenders, autant que les films allemands, les films donc ça peut... Sans voyager, on peut voyager en restant dans une salle de cinéma. Donc c'est aussi une compréhension de ce qui se passe à un moment précis. Et toi, c'est ce que tu veux faire dans ton prochain film. Oui. Est-ce que tu vas as-tu des référents? Tu veux te défaire de tout ça? Pour ce film, j'en ai des références, hein, oui, c'est sûr, mais effectivement, j'essaie de pas trop y penser parce que sinon ça peut vite être assez écrasant. Le scénario est terminé, oui. Je sais pas, il y a des références, c'est Max Ophuls par exemple, beaucoup. Voilà, comme c'est le cirque, en plus, il y a Lola Montes, il y a plein de choses comme ça. Fellini, La Strada, évidemment, enfin voilà, il y a plein de choses de films que j'adore. Je vais essayer de penser à ce film-là et à comment j'ai envie de le filmer, comment j'ai envie de travailler avec les comédiens sans trop penser aux références, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant et paralysant finalement quand on travaille. Et ce qui est important dans un film comme dans une chanson, comme dans un roman, c'est la première phrase, la première image. Est-ce que tu travailles beaucoup sur ce que tu veux apporter au début du film pour inclure le spectateur? Oui. Tu as une ouverture de film, comme on a une ouverture. Oui, j'ai une ouverture et c'est un film en plus très qui fonctionne comme ça parce que c'est il y a vraiment 3-4 minutes et puis une rupture totale. C'est des peintures. C'est une rupture en fait au bout de 3-4 minutes vraiment et on se retrouve au bout de 3-4 minutes dans le milieu du cirque alors qu'on commence dans un milieu tout à fait différent. Donc l'ouverture sera importante. C'est une analepse ou une prolepse? C'est une ellipse. Une ellipse, simplement. Ok. Ouais. Et c'est un film qui va s'aligner dans le cinéma d'auteur? Oui, je pense, oui. Donc, on peut dire ça, oui. Tu essaies de trouver les commanditaires? Oui, voilà, après on cherche des subventions avec ma productrice. C'est un film d'auteur, mais. Oui. Et c'est. C'est un film. Film d'auteur, mais j'espère qu'il peut toucher quand même. En plus, voilà, c'est un film qui parle de l'adolescence, qui parle d'un personnage de femme aussi, enfin. Qui a des problématiques. Est-ce que tu prépares ça? Tu m'as dit en 2016-2017? On espère un tournage en été 2016. Et là, vous attendez des signatures des... Et là, on attend des réponses de des signatures et puis des réponses des financeurs. Prenez-vous des gens un peu plus obscurs ou tu voulais avoir des gros noms pour... Non, ce ne sera pas des gros noms. Okay. C'est des comédiens qui ont une notoriété, mais reconnus, mais pas des stars internationales. Parce que déjà moi j'ai envie de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et sans réfléchir d'un point de vue trop commercial. Est-ce que tu veux que ça parle de ton groupe d'âge, Non, pas ce film-là. Okay. J'ai d'autres projets qui parleraient plus de ça, de gens qui auraient mon âge, mais celui-là, non, parle d'une jeune fille de 13 ans, donc... Non, c'est... Les yeux d'un enfant. Oui. Ben, adolescent. Mm. J'ai 10 questions de la fin, on va voir où ça nous amène. Si tu étais un liquide, parce que je sais... Un liquide? Oui. Ben là, par ce temps... chaud, ah, oui, ça fausse la réponse, parce qu'en temps normal, j'aurais pu répondre du vin rouge ou je ne sais quoi, mais, okay, là, mais quoi, non. Là, je vais plutôt dire... Un thé glacé. Un thé glacé, voilà. Okay. Vin rouge, lequel? Je sais pas, un bruit. Ok. Alors, t'adores le vin? Comment? T'adores le vin? Non, je sais pas, mais j'aime bien, c'est chaleureux. Ça me... C'est vrai. Oui, j'aime beaucoup le vin, mais je suis pas une grande connaisseuse, hein, mais par contre, j'aime beaucoup le vin. Mais c'est festif. Hein? Qui maintenant pleure quelque part dans le monde, sans raison pleure dans le monde, pleure sur moi. Qui maintenant rit quelque part dans la nuit, sans raison, rit dans la nuit, rit de moi. Qui maintenant marche quelque part dans le monde, sans raison, marche dans le monde. Quelque part dans le monde, sans raison, meurt dans le monde, me regarde. Si tu étais une ville. Une ville, Bologne, en Italie. Est-ce que tu l'as déjà fréquenté? Oui, j'aime beaucoup cette ville. Tu y vas souvent? Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais j'y ai passé beaucoup de temps à une époque. Et j'aime beaucoup, ouais, y compris pour écrire. Je trouve que c'est un bel arrêt sur l'image. Ouais, je trouve que c'est une très belle ville. Qui mérite d'être contemplée. Tout à fait. Si tu étais une langue? Une langue? Eh bien, l'italien aussi. Ouais. Tu parles italien? Et un petit peu, pas très bien en fait, mais enfin si, je me débrouille, mais je me débrouille, mais si, j'aime beaucoup l'italien. Ok. Si tu étais une époque? C'est compliqué, les années 60 on va dire. Ah oui, pour les vêtements? Non, pour le pour cinéma, l'ambiance. La chanson, tout. Ok, le côté artistique. Oui, je suis un peu rétro dans mes goûts. Et tu voudrais rencontrer qui dans les années 60? Barbara. Okay. C'est une femme que, qui est porteuse, plus que Véronique Sanson. Oui, plus. Est-ce que tu l'écoutes encore aujourd'hui? Oui, beaucoup. Ouais, elle me nourrit beaucoup, beaucoup. Elle est assez spéciale. Hein? Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Ouais, c'est dur pour une fille de mots, hein. C'est dur pour une fille de mots. Ah oui, non, c'est compliqué. Un mot seul. Un mot, ouais, ouais. Aujourd'hui, demain, ça peut être un mot. Je sais pas, je dirais rêve, puisque je l'ai dit plein de fois au cours de cette interview. Ouais. Enfin, rêve, ça fait prétentieux, là, je me rends compte qu'en le disant. Non, rêve. Non, au sens de ouais, au sens de rêver. Ah oui. Ouais. Il faut rêver. Rêver, alors je vais le dire plutôt à l'infinitif, c'est mieux rêver. Ok, rêver. Plutôt que rêve, parce que sinon on dirait que c'est moi le rêve, c'était pas le but. Ouais, ok. Mais ça donne aussi espoir, là, lorsqu'il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'espoir. Ouais. Si tu étais un membre corporel? La main. Sinon tu peux pas écrire, jouer de piano, serrer les mains, ton côté humaniste. Si tu étais une saison? Printemps. Ah, c'est frais, hein? C'est plus frais. Ouais, pas l'été. Non, surtout pas maintenant. Surtout pas maintenant. Si tu étais moment de la journée? Le soir. C'est plus frais. Oui. Encore, hein? On ramène à le design. Ouais. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Existant? Au choix? Moi, je peux pas m'imaginer en autre. Alors, c'est toi. Oui. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. OK, merci. Sans trop changer? Non. Et ton actualité, c'est ton film? Oui. C'est ton disque? Oui. Tout en préparation? Oui. Tout ça, c'est en préparation? Exactement. Tu as des scénarios pour lesquels tu travailles? Oui, je travaille sur... un scénario d'un réalisateur qui s'appelle Xavier Pestugia, qui travaille à la radio aussi, okay. Avec Guillaume Gallienne. C'est des histoires où on prend des exemples, on peut prendre Rimbaud puis lire des textes de Rimbaud. C'est une émission qui s'appelle Ça peut pas faire de mal. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette émission-là? Eh bien, il la réalise. OK. Voilà, il prépare aussi un premier long métrage. Ouais, c'est une très bonne émission. Son film? Oui. Le film? Ah bah oui, de Guillaume Gallienne, oui. C'est bon, hein? Ouais. Est-ce que ça a eu un grand succès? Ah oui. Okay. Ah oui, en France, oui, ça a beaucoup marché. Ouais. Ah. Sais-tu s'il prépare quelque chose? Je ne sais pas du tout. Okay. Non. T'es dans le milieu, des fois. Et donc, c'est ça, tu travailles sur son scénario à lui. Oui, oui. Et comment ça fonctionne quand tu travailles pour quelqu'un? Eh bien, c'est beaucoup de réunions de travail et puis après ça, des échanges. Mais t'es scénariste ou t'es scénariste? Non, là, pour l'instant, il a déjà écrit une première version tout seul, en fait. Donc, c'est plus un travail d'amélioration, de réécriture, donc oui, c'est une collaboration. Oui, okay. Oui, puis je fais des propositions, voilà, ça marche un peu par échange. Ça dépend en fait, dans la co-scénarisation, il n'y a pas tellement de règles, ça dépend un petit peu des collaborations, des choses qu'on met en place. On vient te chercher parce que tu as fait quelque chose, puis... Eh bien lui, justement, il a entendu parler de moi par mes chansons. Okay. Et comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup la chanson par ailleurs, ça s'est fait un peu comme ça. Tu l'as rencontré plusieurs fois avant? Oui. Okay. Et par la suite, tu as d'autres projets, puis c'est long avant que ça aboutisse oui. quand même. Ben on oui. peut dire que c'est 2-3 ans. Bien sûr. C'est pas toujours, c'est pas sur le champ. C'est non, pas, non, c'est sûr. Et tu te consacres beaucoup à ça ou tu fais d'autres choses par rapport à ça? Par rapport au scénario? Oui, c'est ça. Non. Tu touches à autre chose avant ou si tu te consacres uniquement à ça actuellement? Non, bah ça plus non, bah, j'ai fait aussi de la réalisation parce que j'ai réalisé un court métrage avant. Est-ce qu'il y a eu un succès? Est-ce que ça a été vu? Ça a été vu un petit peu en festival, oui, oui, okay. Il a tourné un petit peu. Et comment ça a été apprécié? Comment ça a été vu? Bah, accueilli? Bien, okay. Bien, oui. Ouais. Voilà, donc est-ce non, que tu sens c'est que ce que tu as réalisé va amener le long métrage que tu Alors oui et non, il y a des choses qui reviennent, des motifs, des images, mais en même temps c'est des histoires très différentes et des façons de raconter aussi assez différentes. Donc, et le jeu, tu veux et le jeu, exemple, je voudrais que ce soit aussi... ce même jeu là? Non. Ok. Assez différent. Non, okay. Parce qu'en fait c'est deux projets vraiment... opposés. Ouais. Okay. C'était un film très peu dialogué, donc du coup il n'y a pas eu d'improvisation ou très peu. Un film assez posé, très esthétique et tout, alors que là on va être dans quelque chose d'un peu plus écorché, d'un peu plus à vif, avec plus d'improvisation et tout ça, donc c'est vraiment des envies de cinéma assez différentes. Après il y a des choses qui reviennent, même à l'écriture je vois bien, il y a des motifs, il y a des images, il y a des trucs... Le premier est plus poétique, l'autre est plus urbain. Oui, si on veut. Et puis à travers ça, tu prépares tout ça, donc éventuellement l'album va sortir très bientôt. Et on va pouvoir l'entendre. As-tu déjà fait des tournées en dehors de la France, en non. Suisse, en Belgique? Non. Et c'est peut-être un projet. Mais c'est peut-être un projet, oui. Tout tourneur, à fait. Ouais, c'est ça, non, je. Non, okay. Non. Okay. Et petit à petit, on se fait son lit. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben. Le meilleur. Le meilleur, oui, c'est ça. De faire mon film et mon disque et de. Et voilà, et de continuer à. Est-ce que tu sens que c'est compliqué? De produire et de réussir à toucher les gens, surtout. Oui. Est-ce que tu sens que c'est compliqué ou tout. Comment ça se placer? Non, c'est compliqué, mais c'est les deux. Enfin, là, je suis dans un moment un petit peu charnière, quoi, peu de où les choses commencent à prendre forme et en même temps, ça prend du temps. Ouais, donc, ouais. Donc à la fois, voilà, les choses avancent bien, mais il faut être patient, il faut être déterminé surtout. On en revient toujours à la même chose. Oui, ben oui. La détermination. Et cet été, est-ce que c'est plutôt des vacances ou tu bosses? Non, je vais bosser. Beaucoup? Oui. OK. Mm. Pour mettre l'album... Voilà, je vais bosser sur mes projets de musique, sur mes scénarios aussi. Voilà. Et il y a des spectacles en vue? Alors, je serai au Magic début octobre pour un festival et puis au Forum Léo Ferré, ce sera sans doute à l'automne aussi. Non, pas un festival en plein air, un festival... Intérieur. Oui. Ben écoute, si on veut t'écouter, on peut pas avoir d'album, donc on se réfère à YouTube. Oui, tout à fait. Est-ce que le son, est-ce que tu... est-ce que le son est quand même intéressant? Parce que j'ai entendu deux pièces, dont un qui a été capté par celui-là. Qui était... Oui. Et les autres, le son est quand même intéressant? Il y a, des morceaux, alors pas sur YouTube, mais sur, sur MySpace, qu'on peut entendre de moi, où là, c'est des vrais enregistrements. Studio, est-ce quoi. Qu'on peut télécharger? Donc, on ne peut pas télécharger, non, mais on peut écouter. Et, Pour se faire une oreille. Voilà, oui. Est-ce que tu as enlevé celle qui te plaisait moins pour garder parce oui. qu'on fait une... Ah, OK. Tout à Alors, fait. Alors, si on veut voir ce que tu revendiques encore aujourd'hui, c'est sur MySpace. C'est ça, c'est sur MySpace, exactement. Okay. Oui. Et on va te suivre là-dessus. Puis écoute, le cinéma peut amener très loin. Il y a le Festival du Monde à Montréal. Mm. Il y a à Québec, il y a un festival de films. Donc, n'importe où. Ben oui, ben, j'espère. Écoute, ben oui, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Bien, moi aussi, c'était un grand plaisir. Et puis, ben écoute, à la revoyure. À la revoyure, tout à fait. Et, ben, je te souhaite un bel été. Et pas merci, toi aussi, oui. Toi aussi. Merci. Quand Johnny va voir sa belle Hélène, hourra, hourra, il marche d'un pas de roi pour voir sa reine, hourra. Le monde entier, il peut l'avaler, du boulanger jusqu'au pâtissier. Laissez-le passer quand Johnny va voir sa belle. Quand Johnny voit ses copains le soir, hourra, hourra, ils vont se saouler de vin et de guitare. Hourra, quoi de plus beau, je vous le demande, que trois garçons posés sur leurs jambes. Attention les filles, quand Johnny voit ses copains. Quand Johnny va faire la guerre au loin, hourra, hourra, à des gens qu'il connaît peu ou point, hourra, hourra, le jour de gloire s'en revenant, il marche un peu moins bien qu'avant sur sa jambe de bois. Quand Johnny va faire la guerre, quand Johnny m'a épousé naguère, hourra, hourra, au monde il n'y avait pas plus fier que moi, hourra. Il m'a construit une belle maison et puis il m'a donné trois garçons qui nous quitteront quand l'amour les appellera. Je leur ai appris à bien danser, hourra, hourra, à sauter les murs de leurs fiancés, hourra, hourra. Ils ont le cœur si près des mollets que je suis sûre à tout jamais qu'ils ne feront rien pour une jambe de bois. Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.